Neuvième chapitre. Mon histoire tire à sa fin. Les 60 ans qui suivent peuvent se compter brièvement. Il n'y a que des événements communs. Le dimanche, après notre mariage, sans plus tarder, je m'enfuse avec ma Bertrille à Fanlac pour rendre nos devoirs au chevalier de Galibert et à sa sœur. Quoique je leur eusse mandé que je prenais femme, ce n'était pas suffisant. Mais arrivé là-bas, la veuve de Séguin, le tisseron, nous dit que la demoiselle Hermine était morte il y avait un an à la Saint-Martin. Quant à son frère, il était toujours là, bien vieilli tout de même et attristé de la mort de sa sœur. Nous le trouvâmes dans le salon à manger, devant un grand feu de bûches, se chauffant les jambes où il avait des douleurs qui lui faisaient serrer les dents quelquefois. Mais ça ne l'empêcha pas de nous faire un bon accueil et de nous régaler de quelques vieux dictons, quoiqu'à mon avis il ne les plaça pas aussi à propos que dans le temps. « Ah, te voilà, maître Jacques !» fit-il en réponse à mon salut. « Et celle-ci est ta femme, je parie. »« Eh oui, monsieur le chevalier. Alors vous êtes de la religion de Saint-Joseph, 4 sabots devant le lit. » Nous rîmes un peu et lui continua. « Puisque tu es entré en ménage, Jacques, rappelle-toi comme l'homme se doit gouverner, compagnon de sa femme et maître de son cheval. Tout doit être commun entre vous autres, le malheur et le bonheur, aussi bien que les choses du train ordinaire de la vie, comme le marque le dicton familier, boire et manger, coucher ensemble, c'est mariage, ce me semble. » Là-dessus, le chevalier me demanda où j'étais maintenant et ce que je faisais. Quand je le lui eus dit, « Ce n'est pas le Pérou, » fit-il, « mais vous êtes jeunes tous deux et vous vous tirerez d'affaires. Pauvreté n'est pas vice, est assez riche qui ne doit rien. » Ayant jeté ces 2 sentences coup sur coup, le chevalier se leva en s'appuyant sur les bras de son fauteuil. Puis, s'aidant de sa canne, il passa à la cuisine et appela. « Hola, seconde !» La chambrière qui était dans la cour arriva. « Il te faut faire déjeuner ces 2 jeunes gens, tu entends ?»« Bien, monsieur le chevalier. » Et lui, se tournant vers moi, dit en manière d'explication. « La pauvre Toinette est morte 6 mois avant ma sœur. » Il resta un moment pensif et ajouta. « On trouve remède à tout, fort qu'à la mort. » Et là-dessus, il s'assit près du feu, tandis que la seconde taillait la soupe. Et lorsqu'elle fut trempée, tandis que nous mangions, le bon chevalier me parlait du temps passé et prenait plaisir à rappeler ses souvenirs. Il m'entretint longuement du curé Bonal et finit par conclure ainsi « C'était un homme et un prêtre, celui-là. » Aussi les pharisiens l'ont-ils persécuté. Puis, entre autres choses, il me demanda ce qu'étaient devenus les Nansac. Quand je lui eus dit que tous avaient disparu, hormis la plus jeune demoiselle qui était restée chez sa mère nourrice, il fit « Elle saura bien s'arranger. Belle fille et vieille robe trouvent toujours qui les accroche. » Sur les 2 heures, au moment de repartir, le chevalier me dit « Tu sais, Jacques, si jamais tu étais dans une passe à avoir besoin d'aide, fais-le-moi savoir. » Grand merci, monsieur le chevalier, pour cette parole, et grand merci 1000 fois pour toutes vos bontés passées, desquelles je vous serai reconnaissant tant que j'aurai vie au corps. Ça n'est point probable que ça arrive, je suis trop petit pour ça, mais si de mon côté je pouvais vous être utile en quoi que ce soit, ce serait de bien bon cœur. Merci, mon Jacques, ça n'est pas de refus. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Allons, adieu, mes drôles. Bonsoir, monsieur le chevalier, et bien de la santé, nous vous désirons. Quel brave homme, me disait ma femme en nous en allant, et qu'il est plaisant avec ses ricantaines et ses proverbes. Et si tu avais connu sa sœur, donc? Celle-là, c'était une sainte, pauvre demoiselle, qui m'a fait mes premières chemises quand je suis arrivée à Fanlac. Je ne me consolerai jamais de n'avoir pas été à son enterrement. Guère de temps après mon mariage, je compris que de travailler par-ci par-là à la journée, gagnant quelques sous, chômant souvent, et réduite à m'aider pour vivre de quelques petits ouvrages, c'était chose trop incertaine et ingrate maintenant que j'étais en ménage, et que mieux vaudrait avoir un état ou entreprendre un travail où ma petite capacité pourrait me servir plus profitablement que dans le métier de journalier. Comme je n'approuvais qu'à demi le proverbe que le chevalier disait parfois en riant, qui croit sa femme et son curé est en hasard d'être damné, j'en causais donc à notre Bertrille, qui fut bien de mon avis. Là-dessus, ayant ouï dire que le neveu de Jean cherchait quelqu'un pour l'aider, j'allais le trouver et nous fîmes nos conventions. Me voilà devenu charbonnier. Lorsqu'on a la raison et qu'on a bonne envie d'apprendre quelque chose, ça va vite. Aussi mon apprentissage ne fut pas long. Il faut dire aussi que l'état n'est pas de ceux pour lesquels il faut une grande habileté de main. C'est surtout l'expérience qui fait le bon charbonnier, jointe à un savoir-faire qu'on attrape assez facilement avec un peu d'idées. Au reste, il ne faut pas croire que l'état soit aussi désagréable qu'il est noir. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ainsi, beaucoup, sans doute, préféreraient le métier de boulanger comme plus propre que celui de charbonnier. Quelle différence, pourtant, être enfermé dans un fournil où il fait une chaleur d'enfer, suer et geindre toute la nuit courbé sur la mer, se griller la figure pour enfourner et aller se coucher quand les autres se lèvent. En voilà-t-il pas un beau métier? Parlez-moi d'être charbonnier. Pour moi, cet état me convenait bien parce qu'on est seul dans les bois et qu'on vit là, tranquille, sans avoir affaire que rarement aux gens. Il y en a qui ont besoin de la société des autres, qui veulent se mêler à la foule, à qui il faut des voisinages, des nouvelles, des échanges de platusseries ou plats propos. Moi pas. Et il me paraît que c'est un malheur que de ne pas savoir vivre seul. Les hommes rassemblés valent moins qu'isolés. Il en est du moral comme du physique. Les grandes réunions humaines sont malsaines pour l'esprit et le cœur comme pour le corps. Les citadins ont beau se jacter de tels avantages, de ceci, de cela et du reste, les pauvres gens n'en crachent pas plus loin que nous. Aussi, quand j'ose vanter l'habitation des villes, il me semble qu'on me dévide les tripes sur un dévidoir en bois d'érable, arbre que nous appelons Azéraü. Or donc, pour en revenir, rien n'était plus plaisant pour moi que ce travail en plein air, sous le soleil, et la surveillance des fourneaux à la clarté des étoiles. Ça n'est pas un travail qui empêche de penser. Au contraire, on en a tout le loisir, et les sujets ne manquent pas. Que de fois la nuit, levant la tête, et voyant briller sur le bleu sombre du ciel ces millions de soleils perdus dans des profondeurs immesurables, je me suis prise à rêver, et que de fois j'ai admiré ces astres qui se meuvent dans l'infini, et, exacts comme une horloge bien réglée, viennent passer à tel point de l'espace où ils doivent passer. À force de les observer, j'ai fini par connaître l'heure à leur position, aussi bien qu'avec une montre. Je ne sais rien de plus beau que de voir l'étoile du soir monter lentement sur l'horizon. Bien souvent, seul, au milieu des bois, j'ai suivi son ascension superbe dans le firmament, en me disant que, peut-être, sur cet astre, quelque charbonnier surveillant ses fourneaux dans une forêt barade quelconque contemplait la terre comme moi, terrien, sa planète. On me dira peut-être, tout ça c'est très joli avec le beau temps, mais quand il pleuvait? Eh bien, quand il pleuvait, je me mettais à l'abri dans ma cabane, et puis j'avais une bonne peau de bique qui me gardait de la pluie. Un peu d'eau, ce n'est pas une affaire, et de temps en temps je ne la déteste pas. Reprenons. J'aimais aussi à observer ce qui se passait autour de moi, à connaître les mœurs et habitudes des bêtes et des oiseaux. J'épiais le hérisson chassant les serpents, l'écureuil à la recherche de la faine, le renard glapissant sur une voie de lièvre, la belette et la fouine surprenant les couveuses dans le nid. les lourds odeurs sortant de leur fort à l'heure où se lèvent les étoiles et rentrant le matin après avoir mangé quelques chiens restés dehors autour d'un village. Il m'est arrivé de passer de longs moments à épier le manège de quelque animal qui ne me voyait pas. Une chose bien curieuse, c'est de voir les oiseaux faire leur nid. Leur adresse à tisser la mousse, la laine, l'herbe, le crin est étonnante, aussi bien que la rapidité avec laquelle ils ont achevé. Je connaissais tous les nids, celui de l'alouette qui fait le sien à terre dans l'empreinte d'un sabot de bœuf et qui le cache si bien que souvent le moissonneur passe dessus sans le voir. Celui du loriot suspendu entre les deux branches d'une fourche, celui du roitelet bâti en forme de boule avec un petit trou pour l'entrée, celui de la mésange que nous appelons sanzille, où 15 à 18 petits sont pressés l'un contre l'autre dans un trou de châtaignier, celui de la tourterelle qui est fait de quelques branchettes croisées sans plus. Rien qu'en voyant un œuf, je pouvais dire sans me tromper de quel oiseau il était. Cependant, il y en a beaucoup d'espèces dans nos pays. J'aurais voulu savoir aussi le nom de cette grande quantité de plantes qui foisonnent chez nous. Je dis leur nom français, car de noms patois la plupart n'en ont pas, à ma grande surprise. Mais si je ne savais pas le nom de toutes, je les connaissais au moins beaucoup par leur forme, le moment de leur floraison, et puis par leurs qualités utiles ou nuisibles, comme par exemple l'herbe aux blessures ou plantain, l'herbe au chat qui les met en folie, l'herbe au corps, l'herbe du diable pour les conjurations, l'herbe aux engelures, l'herbe à éternuer, l'herbe à guérir les fièvres, l'herbe au fou, l'herbe qui guérit la gale, l'herbe aux gueux ou clématite, l'herbe aux ivrognes, ivraie en français ou virageau en patois, l'herbe au ladre, l'herbe au loup qui est un poison, l'herbe à soigner les humeurs froides, l'herbe des sorciers qui est la mandragore, l'herbe à lait pour les mères nourrices qui en manquent, l'herbe de Saint-Fiacre ou bouillon blanc, l'herbe à tuer les poux, l'herbe à chasser les puces, l'herbe pour les panaries, l'herbe de Saint-Roch qu'on attache aux joues le jour de la bénédiction des bestiaux, l'herbe à la teigne ou bardane, l'herbe aux verrues, enfin pour en finir, les cinq herbes de la Saint-Jean, dont on fait ces croix clouées aux portes des étables, herbes qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on veut réussir en quelque chose de conséquence. Sans doute on ne viendra pas me dire que ma vie dans les bois n'était pas plus libre, plus senteuse et plus intelligente, cent fois, que celle des gens de ma condition dans les villes, où ils ont un fil à la patte bien court, des maladies inconnues chez nous et qui ne distinguent pas tant seulement le seigle de l'avoine. Mais quand même on me le dirait, je n'en croirais du tout rien. On pense bien qu'étant toujours dehors et dans les bois, je n'avais garde d'oublier la chasse. Et en effet, je l'aimais toujours de passion, et mon fusil était toujours dans la cabane, chargé, tout prêt. Seulement, il ne faut pas croire que lorsqu'on est au travail et qu'on a des fourneaux allumés, on puisse faire péter le bâton percé aussi souvent qu'on veut. Ce n'est que toutes les fois qu'on peut. Tout de même, j'avais quelquefois de bonnes aubaines, comme lorsque j'enlevais toute une nichée de louveteaux dans la forêt du côté du croc de mortier. Ma femme les porta à Périgueux dans un panier gros comme des petits chiens de 3 semaines et on lui donna la prime qui nous servit bien pour faire un peu arranger notre baraque de maison et y faire ajouter une chambre. Je tuais encore depuis quelques sangliers à l'affût ou au passage, et puis 3 autres loups, par le moyen que voici. À la saison, qui est l'hiver, j'appelais les loups en hurlant dans mon sabot, comme une louve en folie. Je l'imitais si bien qu'une nuit, de l'endroit où j'étais embusqué, je vis 4 beaux loups arriver, qui jetaient des hurlements de réponse, et bientôt commencèrent à tourner autour les uns des autres, en grondant, le poil hérissé, jaloux comme font les chiens. Je les accordai tous d'un coup de fusil qui en laissa un sur place. Les curieux diront peut-être, Tout à l'heure, vous parliez de votre femme, et que faisait-elle tandis que vous étiez dans le bois à faire le charbon ? Eh bien, moi, je n'étais pas de ces tas de poules qui ne peuvent pas quitter les cotillons de leur femme. Certainement, je l'aimais bien, mais il n'est pas besoin pour montrer son affection de se cajoler tout le temps. Lorsqu'il le fallait, donc, nous nous séparions sans grimace. C'est bien vrai aussi que je n'étais pas comme les chabres-taïrs ou ménétriers qui ne trouvent de pire maison que la leur, accoutumés qu'ils sont à faire noce partout où ils vont. Au contraire, je revenais toujours avec plaisir chez nous. Mais dans les premiers temps, pendant que j'étais à mettre en charbon une coupe du côté du lac Viel, ma femme venait me trouver et restait avec moi 2 ou 3 jours, puis s'en retournait aux âges, voir si rien n'avait bougé, et revenait après, apportant du pain ou ce qui faisait besoin. Dans la journée, elle m'aidait des fois à monter un fourneau, ou bien filait sa quenouille lorsqu'il était allumé. Et puis, elle faisait la soupe et attisait le feu sous la marmite qui pendait entre 3 piquets assemblés par la cime. Le soir venu, nous soupions aux clartés du brasier. Et ensuite, nous nous couchions dans la cabane, sur des fougères et des peaux de brebis. Il me fallait me relever quelquefois pour aller voir au fourneau, mais je laissais ma femme reposer tranquillement, gardée par le chien couché en travers de la porte. Je ne puis me tenir de le redire, c'était là une jolie vie, libre, saine et forte. Ainsi faisions-nous au commencement que nous fûmes mariés. Mais lorsque, 9 mois plus tard, ma femme eut un drôle, elle le portait avec elle, et après qu'il avait été son aise, le couchait dans la cabane où il dormait tout son sou. Tant qu'il n'y en eut qu'un, ça alla bien. Mais lorsque le second survint, « Va te faire l'enlair !» Il lui fallut rester aux âges et tenir le dernier nez, tandis que l'autre commençait à marcher, pendu à son cotillon, et mon pauvre Jacou fut obligé de rester seul au milieu des bois et de cuire sa soupe lui-même. Et à mesure que le temps passait, tous les 2 ans, 2 ans et demi à peu près, il y avait un autre drôle à la maison, de manière que, pour ma femme, il ne fut plus question de la quitter jusqu'à ce que l'aîné, ayant 7 ou 8 ans, gardait les plus petits. Je ne travaillais d'ailleurs pas toujours dans les environs, ni même dans la forêt barade, quoique ce fût là mon renvers ou quartier. J'étais quelquefois au loin dans la forêt de Verte ou dans celle du Masnègre, entre Valojoux et Tamiers, même jusqu'à la Bessède, près de Belvès et dans la forêt de Borne, j'ai entrepris de faire du charbon, principalement pour les forges. Ainsi, par force, nous avions pris, ma femme et moi, l'habitude d'être quelquefois séparés, mais ça n'empêchait pas que nous nous aimions tout autant comme auparavant. Si j'osais, je dirais même que ces petites absences retrempent l'affection qui languit lorsqu'on ne se quitte jamais. Notre position n'était guère changée depuis notre entrée en ménage. Dès longtemps déjà, le neveu de Jean avait vendu sa maison des Morésilles et son morceau de bien et s'en était allé du côté de Salignac, en sorte que j'étais seul de charbonnier dans le pays. J'avais pris un garçon, le travail le requérant, mais ça ne veut pas dire pour ça que nous fussions riches, car il fallait du pain et beaucoup pour tous ces drôles qui avaient grand appétit. Et puis des habillements, encore que jusqu'à l'âge de 20 ans, ils aient marché tête et pieds nus, sauf que l'hiver ils mettaient des sabots, et il leur fallait bien aussi en tout temps des culottes et une chemise, et lorsqu'il faisait froid, une veste. C'est vrai qu'à mesure qu'ils grandissaient, la vêture passait à celui qui venait après, comme âge, de sorte que, en arrivant au dernier, ce n'était plus que des loques rapiécées de partout, mais propres tout de même. Ce qui donnait le plus de mal à ma femme, c'était la toile pour faire des chemises et des draps. L'hiver, elle veillait tard et filait tant qu'elle pouvait, mettant des prunes sèches dans sa bouche pour avoir de la salive. L'entretien des drôles et leur nourriture, tout ça donc coûtait, sans compter que nous avions été obligés d'acheter bien des choses. Un cabinet pour serrer les affaires, une mets et un autre lit pour tous ces drôles, où ils couchaient les uns en long, les autres en travers, en haut et aux pieds. Le vieux brave curé de Fossemagne, lorsqu'on les lui présentait à baptiser les uns après les autres, à mesure qu'ils venaient au monde, disait en riant « Ah, j'ai été jovent, j'ai eu bonne main !» Et pour le prix, c'était toujours le même, rien. Mais aussi, à l'occasion, ma femme lui portait ou envoyait un lièvre ou une couple de palombes à la saison du passage ou un beau panier de champignons, oranges, bolets ou cèpes ou quelques petits cadeaux comme ça pour lui marquer notre reconnaissance. Quoique n'étant pas riches, nous étions tous gais et contents plus que si nous avions eu 100 000 francs. Je ne pensais plus qu'à ma femme, à mes enfants et à mon ouvrage, et en songeant au travail, c'était encore penser au mien, puisque je travaillais pour les nourrir. Je n'avais pas oublié le passé pourtant, mais il n'était plus toujours devant mon esprit occupé des choses du présent. Pourtant, si quelque circonstance venait me le remembrer, il se réveillait vivace, et cela me reportait en arrière au temps malheureux de mon enfance et de ma jeunesse. En me souvenant de telles canailleries du comte, je sentais encore la haine gronder en moi comme un chien qu'on ne peut apaiser. Lorsqu'aussi je passais à des endroits où je m'étais rencontré avec la galiote, je me rappelais la fièvre d'amour qui me brûlait alors, et j'avais quelque peine, rassis maintenant, dans la plénitude de mon affection pour ma femme, à comprendre ma folie d'autrefois. Elle avait quitté le pays vers le temps de la naissance de mon aîné, car son frère et ses sœurs, besogneux d'argent, avaient voulu vendre le domaine où elle demeurait. Où était-elle allée? Avait-elle fini par mal tourner comme ses sœurs? Je ne l'ai jamais su. Cela se peut, mais j'aime mieux croire que non, car elle valait mieux qu'elle. Quant au comte, on dit dans le pays à l'époque qu'après avoir vécu quelque temps de charité, pour ainsi dire, piquant l'assiette dans les châteaux ou chez Don Angelbert et traînant partout une misère honteuse, il s'était réfugié à Paris chez sa fille aînée qui était une bonne tireuse de vinaigre et finalement était mort à l'hôpital. C'est bien, comme disait le chevalier, 100 ans bannière, 100 ans civière. Quelques années après notre mariage, je parlais avec ma femme des 4 terribles jours que j'avais langui dans les oubliettes de l'herbe, et quoique ce ne fût pas la première fois, comme toujours en oyant ce récit, elle joignit les mains avec des exclamations pitoyables. Elle voulut connaître l'endroit, et un dimanche nous fûmes à l'herbe en nous promenant. Arrivés devant ces ruines habitées maintenant par les chouettes et les ratepénades, un mouvement d'orgueil me monta en voyant mon ouvrage, en songeant que moi, pauvre et méprisé, j'avais vaincu le comte de Nansac, puissant et bien gardé. Lorsque ma femme vit dans le pavé de la prison cette manière de trappe de pierre, ce trou noir par lequel on m'avait descendu dans les ténèbres de la basse fosse, elle eut un frémissement pénible et recula d'horreur. « Oh, mon pauvre homme, comment as-tu pu vivre 4 jours et 4 nuits là-dedans ?» En sortant de l'enceinte du château, je trouvais ce garçon qui avait fait le guet le soir de l'incendie. Il était marié dans le village maintenant, et il nous fallut de force entrer boire un coup chez lui. Là, tout en trinquant, nous parlâmes de cette nuit où nous avions fait justice de cette famille de loups. Et alors lui me dit « Je ne comprends pas comment les gens du pays ont pu supporter toutes ces misères si longtemps. Le diable me flambe, je crois que sans toi, nous serions encore sous la main de ces brigands. » « À la fin, sans doute, quelqu'un en aurait bien débarrassé le pays, » répondis-je. « Peut-être, mais en attendant, tu l'as fait, et tu en porteras les marques jusqu'à la mort, » ajouta-t-il en regardant les cicatrices des balles à ma joue. Et, après avoir trinqué une dernière fois, je m'en retournai aux âges avec ma femme. Une autre fois, nous en allons ensemble à la foire du 25 janvier à Rouffignac, acheter un petit cochon, parlant par respect, je lui fis voir la tuilière où j'avais passé de si terribles moments lors de la mort de ma mère, Mais depuis ce temps, il y avait des années, la charpente et la tuilée s'étaient effondrées, entraînant les murs de torchis, en sorte que la maison n'était plus qu'un amas de décombres, un pêle-mêle de terre, de pierres, de débris de tuiles, recouverts de ronces et d'herbes folles, d'où sortaient des bois pourris à moitié, comme les ossements de quelque animal géant enseveli sous ses ruines. Et là, je lui dis les horribles angoisses que j'avais éprouvées, moi, tout jeunet, en voyant ma mère affolée mourir dans les affres de la désespérance. « Pauvre, fit-elle, tu n'as pas été trop heureux dans tes premiers ans. » « Non, mais maintenant, s'il plaît à Dieu, les mauvais jours sont passés, sauf les accidents vimaires. » Elle ne dit rien et nous continuâmes notre chemin. Lors de ma dernière allée à Fanlac avec ma femme, j'avais bien recommandé au vieux carriole de me faire savoir s'il arrivait quelque chose au chevalier. Cela m'avait causé, comme je l'ai dit déjà, beaucoup de regrets et même une véritable peine de n'avoir pas été à l'enterrement de la bonne demoiselle Hermine. Il me semblait, quoique ce ne fût pas de ma faute, que j'avais manqué à mon devoir et je ne voulais pas récidiver. Un matin, donc, un drôlard arriva aux âges de la part de Cariole, nous porter la nouvelle que le chevalier était mort. En ce temps-là, nous avions déjà plusieurs enfants, de manière que, l'aîné étant déjà grandet, ma femme l'envoya me prévenir du côté de Fagnac où j'étais. Laissant mon ouvrier au fourneau, je m'en vins vite à la maison où, ayant pris mes meilleurs habillements, je partis pour Fanlac, où je fus rendu tout juste pour l'enterrement. Ce que c'est que d'être un brave homme! Toute la paroisse était là, vieux, jeune, homme, femme, petit drôle, et avec ça beaucoup de nobles et de messieurs de Montignac et des environs. Tous les hommes voulurent aider à le porter au cimetière, ou du moins toucher son cercueil. Le curé n'était plus celui qui avait remplacé Bonal. Les gens le détestaient tellement qu'il avait été obligé de partir, comme je l'ai dit. Son successeur, qu'on avait envoyé 2 ans après, fit un beau prêche sur la tombe du chevalier et le loua comme il le méritait. Lorsqu'il annonça que, par testament, le défunt avait donné tout son avoir aux pauvres de la paroisse, ce fut un long murmure de bénédiction de tous, et les bonnes femmes s'essuyèrent les yeux. Malheureusement, ce n'était pas le diable ce qu'il donnait, le brave homme, car il ne lui restait guère vaillant et bien liquide qu'environ 25 ou 26 000 francs, à ce qu'il paraît, le bien étant fortement hypothéqué. Ce n'est point par dissipation ou désordre que le chevalier et sa sœur avaient mangé leur avoir, c'était par bonté. Lui n'avait jamais su refuser 100 écus en prêt à un homme dans le besoin, et confiant comme un enfant, il avait souvent mal placé son argent ou négligé de prendre les précautions nécessaires. De même, pour les pauvres, le frère et la sœur avaient toujours donné sans compter. Aussi mangeaient-ils leurs biens petit à petit, et depuis des années vivaient plus sur le fond que sur le revenu. Du reste, même pour ceux qui y regardent de près, il est forcé que les fortunes se fondent, si quelque source, industrie, mariage ou héritage, ne les renouvelle pas. Un petit noble campagnard comme le chevalier, qui, au commencement de ce siècle, était riche avec 2 000 écus de revenus, se trouvait gêné 30 ans plus tard et serait pauvre aujourd'hui. Si avec ça il survient quelques mauvaises années ou de grosses réparations à faire, il faut emprunter. Les dettes font la boule de neige et c'est la ruine totale. Quelque temps après l'enterrement du chevalier, je revenais des âges et m'en allais voir une coupe du côté de la Bossonie lorsque sur le sentier, à 100 pas, je vis venir vers moi une vieille en guenille, toute courbée avec un bâton à la main et un bissac sur l'échine. À mesure qu'elle approchait, je me disais « Qui diable est cette vieille ?» Et tout d'un coup, quoiqu'elle fût fort changée, maigre comme un pic, à son nez pointu, à ses yeux rouges, je reconnus la Mative, et ma haine pour cette coquine de femme se réveilla soudain. En me joignant, elle releva un peu la tête, et m'ayant reconnu aussi, s'arrêta. « Oh, Jacou ! » fit-elle. « tu me vois bien malheureuse. Tant mieux, tu ne le seras jamais assez à mon gré. Guilaine m'a tout mangé, continua-t-elle en s'essuyant les yeux. Et maintenant je cherche mon pain. Vieille gueuse, depuis la mort de la pauvre Lina, j'ai toujours souhaité te voir crever dans un fossé, le bissac sur l'échine. Tu es en chemin, je ne te plains pas. Et je passais. J'eus tort, certainement, de ne pas me rappeler en cette occasion les leçons du curé Bonal qui prêchait sans cesse la miséricorde. Mais la pensée que cette misérable mère avait tant fait souffrir et finalement tuer, on peut le dire, sa propre fille, la plus douce et la meilleure des créatures, me révoltait et me rendait fou de colère. Et puis, sans doute, il faut bien être miséricordieux, mais il faut faire attention aussi que si l'on est trop facile à pardonner, ça encourage les mauvais. Ceux dont la conscience est morte ont besoin que la conscience des autres leur rappelle leurs fautes et leurs crimes. De plus, l'horreur qu'inspirent les méchants est un juste châtiment pour eux et sert d'avertissement à ceux qui seraient tentés de les imiter. Au reste, ce que j'avais souhaité arriva. Un matin d'hiver, on trouva la Mative morte sur un chemin entre Martilla et Pris, et à moitié mangée par les loups. Puisque j'ai nommé ce fameux Guilhem tout à l'heure, j'en dirai encore ceci, que, peu de temps après la mort de la Mative, il fut condamné aux galères à perpétuité pour avoir, un soir de foire à la Douze, assommé et dévalisé un marchand de cochons de tenon sur la grande route à la croix de Ruchard. Ainsi devait-il finir. Tout ça est loin maintenant. J'ai à cette heure 90 ans, et ces choses, quoiqu'un peu obscurcies dans les brumes du passé, me remontent parfois à la mémoire. Comme tous les vieux, j'aime raconter de vieilles histoires, et je le fais trop longuement sans doute, d'autant qu'elles ne sont pas toujours gaies. Pourtant, dans le village de Lerme où je demeure présentement, les gens ne le trouvent pas, mais c'est qu'ils sont accoutumés à ouïr des contes interminables pendant les longues veillées d'hiver. Quoique je leur narre bien tout par le menu, ainsi qu'ils m'en souviennent, il y en a qui trouvent que je ne m'explique pas assez et demandent encore ceci ou cela. Ils voudraient savoir de quel poil était mon chien et l'âge de notre défunte chatte. J'ai eu 13 enfants, mâles ou femelles. On dit que ce nombre de 13 porte malheur. Moi, je ne m'en suis jamais aperçu. Il ne nous en est pas mort un seul, ce qui est une chose rare et quasi extraordinaire. Mais né robuste et nourri au milieu des bois, dans un pays sans eux, ils étaient à l'abri de ces maladies qui courent les villes et les bourgs où l'on est trop tassé. Si je dis que j'ai eu tant de drôles, ça n'est pas pour me vanter, il n'y a pas de quoi, car les hommes ne souffrent pas pour les avoir. C'est les pauvres femmes qui en ont tout le mal, et aussi la peine de les élever. La mienne avait 20 ans quand nous nous sommes mariés, et de là en avant, jusque vers 50 ans, elle n'a cessé d'en avoir un entre les bras, qu'elle posait à terre lorsque l'autre arrivait. Je dirais franchement que sur la fin, j'en avais un peu perdu le compte, car un soir de carnaval, en soupant, je m'amusais à les nombrer, et je n'en trouvais que 11. « Et la Jeannette qui est là-bas, mariée au moustier ?» dit ma femme. « Est-ce qu'elle est bâtarde ?»« C'est ma foi vrai, je n'y pensais plus. Mais ça ne fait toujours que 12. » Alors elle alla prendre dans le lit le petit dernier et me le présenta. « Et celui-là donc ? Tu ne le connais pas ?»« Oh, le pauvre, je l'oubliais. » Et prenant le petit enfanson qui me riait, je l'embrassai et je le fis un peu danser en l'air. Après quoi je lui donnai à téter une petite goutte de vin dans mon verre. Et cependant, les autres drôles qui étaient là autour de la table s'égayaient de voir que le père ne retrouvait plus sa 13aine d'enfants. En ce temps-là, il y en avait de mariés, garçons et filles, d'autres partis à travailler hors de la maison, de manière qu'il n'était pas bien étonnant d'en oublier quelqu'un. Oui, seulement, ma femme disait que le carnaval en était la cause. C'est bien sûr que si l'homme n'a pas le mal de faire et d'élever les enfants, il lui faut affaner pour les nourrir et entretenir, ce qui n'est pas peu de chose, surtout lorsqu'il y en a tant. Pourtant, Dieu merci, je ne leur ai pas laissé manquer le pain, ce qui n'a pas été sans bûcher et dur. Mais quoi, nous sommes faits pour ça, je ne m'en plains pas. On pense bien qu'avec cette troupe de drôles, je ne pouvais pas devenir riche. Aussi, dans toute ma vie, je n'ai pas eu 50 écus devant moi. Content tout de même, pourvu qu'au jour, la journée, il y eût chez nous pour acheter un sac de blé. Aussi, l'héritage que je laisserai ne sera pas gros. Il y aura en tout et pour tout la maison des âges avec 3 journaux de pays autour, l'ensemble acheté 40 pistoles et 1 louis d'or pour les épingles de la dame, et payé peu à peu par pacte de 50 francs à la Saint-Jean et à la Noël. Je n'étais donc pas bien riche de biens, mais seulement riche en enfants. Et quand j'y songe, je trouve que j'ai été mieux partagé. Je préfère laisser après moi beaucoup d'enfants que beaucoup de terres ou d'argent. On me dira que, quand je serai mort, ça me fera une belle jambe, j'en conviens. En attendant, je suis réjoui dès maintenant de voir foisonner tous ces petits et arrière-petits-enfants venus de moi. Pour le coup, j'en ai tout à fait perdu le compte, ou pour mieux dire, je ne l'ai jamais su. Et puis, il faut que je l'avoue, il y a dans cette affaire quelque chose que j'estime haut. C'est le contentement d'avoir fait mon devoir d'homme et de bon citoyen. C'est une chose à laquelle on ne pense guère maintenant, malheureusement. Mais j'ai ouï conter qu'il y avait autrefois des peuples où celui qui n'avait pas d'enfant en était mésestimé, et où le citoyen qui en avait le plus passait devant les autres. Aujourd'hui, on dit que c'est un imbécile. Les gens, principalement ceux qui sont fortunés, aime mieux n'avoir qu'un enfant et le faire riche. Pourtant, c'est une chose assez connue que les enfants des riches en valent moins. C'est une mauvaise condition que d'entrer dans la vie ayant tout à souhait. Ça fait perdre tout nerf et tout ressort, ou ça empêche d'en acquérir. Aussi voit-on dégénérer les familles riches. Il y a sans doute des exceptions, mais elles sont rares. Mais je m'attarde, il est temps d'en finir. Voici 10 ans que ma pauvre femme est morte, et depuis ce temps-là, j'ai laissé la maison des âges à l'aîné, qui s'arrangera avec ses frères et sœurs, et je suis venu demeurer à Lerme chez un autre de mes garçons. Ça fut un coup bien dur que de me séparer de celle avec qui j'avais vécu si longtemps, sans une heure de déplaisir, car c'était une femme bonne, dévouée et vaillante, plus qu'on ne peut dire. Mais les bons comme les méchants sont sujets à la mort. Après ça, il m'est arrivé un autre malheur, qui est que, voici tantôt 2 ans à Notre-Dame d'Août, je suis devenu aveugle presque tout d'un coup. Moi qui allais encore garder la chèvre le long des chemins, je ne suis plus bon à rien. Il me faut la main de ma Nore ou celle de ma petite Charlotte pour me mener asseoir à une bonne place à l'abri du vent et me chauffer au soleil d'hiver. Si ce n'était ça, j'ai encore toute ma tête et mes jambes sont bonnes. Lorsque ma petite fille me tient compagnie, j'ai assez à faire à lui répondre, car elle ne cesse de me faire des questions sur ceci ou ça, comme on sait que c'est l'habitude des petits drôles qui veulent tout savoir. Mais des fois, elle me laisse pour aller s'amuser avec d'autres enfants du village, et alors je reste seule, à moins que notre plus proche voisine, la vieille Perronne, ne se vienne soir près de moi. Malgré ça, nous ne tenons pas grande conversation, car elle est sourde comme un pot. Quand je suis ainsi tout seul, au soleil, ou bien l'été à l'ombre d'un vieux noyer grolier, resté debout aux abords des fossés du château, je rumine mes souvenirs et je sonde ma conscience. Je songe à tout ce que j'ai fait, à l'incendie de la forêt, à celui du château. Et après avoir tourné et retourné les choses dans tous les sens, après avoir bien examiné toutes les circonstances, je me trouve excusable, comme ont fait les braves messieurs du jury. Il n'y a que les deux chiens du comte que je regrette d'avoir fait étrangler avec mes setons, car les pauvres bêtes n'en pouvaient mais. Pour tout le reste, je rendais guerre pour guerre, et je ne faisais que me défendre, et les miens et tous, contre la malfaisance odieuse et les méchancetés criminelles du comte de Nansac. Je n'ai donc pas de remords. Dans le village et partout, on en juge de même sans doute, car les gens m'affectionnent et me respectent comme étant celui qui les a délivrés d'une tyrannie insupportable. Sans y penser, j'ai fait le bonheur du pays d'une autre manière, car lorsque la terre du comte a été mise en vente au tribunal, la bande noire l'a achetée pour la revendre au détail. Alors les gens de l'Herme, de Pris et des autres villages alentours ont regardé dans les vieilles chausses cachées sous clés au fond des tirettes et ont acquis terre, prés, bois, vignes à leur convenance, payant partie comptant, partie à pacte. Ça a changé le pays du tout au tout. Ainsi, à l'Herme et à Pris, il n'y avait autrefois que deux ou trois chétifs propriétaires. Tout le reste, c'était des métayers, des bordiers, des tierceurs, des journaliers, tous vivant misérablement, point libre, jamais sûr du lendemain, qui dépendait des caprices méchants du comte et de la coquinerie de la Borille et autres. Les fils et petits-fils de ces pauvres gens, qui n'osaient pas tant seulement lever la tête, par manière de dire, qui étaient épeurés comme des belettes, tant les avait écrasés cette famille maudite, sont maintenant de bons paysans, maîtres chez eux, qui ne craignent rien et ont conscience d'être des hommes. C'est là une conséquence qui n'est pas petite et d'où il faut conclure que la grande propriété est le fléau du paysan et la ruine d'un endroit. Mais il y en a encore une autre bien grande qui est que, en outre de l'aisance, de la sécurité et de l'indépendance, la disparition du comte a rendu aux gens confiance dans la justice. Auparavant, lorsqu'ils étaient abandonnés par les autorités et les gens en place, aux vexations et à la cruelle tyrannie de cet homme, ils disaient communément « Il n'y a pas de justice pour les pauvres ». Lui parti, ils ont commencé à la connaître et à la respecter. Aujourd'hui, grâce à d'autres que le pauvre Jacou, ils savent qu'elle est pour tous. Et celui qui est lésé sait bien en user. Il y en a même qui n'en usent que trop, parce qu'ils plaident pour rien, pour un mouton écorné, pour une poule dans un jardin. C'est un peu notre maladie d'ailleurs, comme disait le chevalier. Les juifs se ruinent en Pâques, les morts en noces, les chrétiens en procès. Mais au moins nos gens dont je parle n'en sont pas réduits comme nous le fûmes jadis, à se faire justice eux-mêmes, ce qui est une mauvaise chose. La comparaison du passé et du présent nous enseigne que les gens ne se révoltent qu'à la dernière extrémité, par l'excès de la misère et de désespoir de ne pouvoir obtenir justice. Aussi ces grands soulèvements de paysans, si communs autrefois, sont devenus de plus en plus rares et finalement ont disparu, maintenant que chacun, pour petit qu'il soit, peut recourir à la loi qui nous protège tous. Pour moi, j'ai la foi que je suis le dernier croquant du Périgord. Longue vie ne diminue pas les peines, dit-on. Pourtant, comme on peut le voir, ma vieillesse est plus heureuse que ma jeunesse. Les gens de l'Herme sont quasi fiers de moi, et lorsqu'il vient des messieurs visiter les ruines du château, s'ils demandent chose ou autre à ce propos, on leur répond « Le vieux Jacou vous dirait tout ça ». Il sait mieux que personne les choses anciennes de l'Herme et de la forêt Barade, car il est le plus vieux du pays, et c'est lui qui a fait brûler le château. Et lors, quelquefois, on me vient quérir, et assis sur une grosse pierre, dans la cour pleine de décombres et envahie par les herbes sauvages, je leur conte mon histoire. Un de ces visiteurs, qui est venu deux ou trois fois à l'exprès, m'a dit qu'il la mettrait par écrit, telle que je la lui ai contée. Je ne sais s'il le fera, mais il ne m'en chaud. Comme je le lui ai dit, je ne suis plus à l'âge où l'on aime à entendre parler de soi. Ainsi ma vie achève de s'écouler doucement, en paix avec moi-même, aimée des miens, estimée de mes voisins, bien voulue de tout le monde. et dans une pleine quiétude d'esprit, demeuré le dernier de tous ceux de mon temps, rassasié de jour, comme la lanterne des trépassés du cimetière d'Athur, je reste seul dans la nuit et j'attends la mort.